Alors les petits, quoi de neuf depuis la dernière fois? Vous vous sentez prêts, c'est ça? Vous n'avez plus le trac. C'est l'histoire de deux frères qui écrivent dans leur chambre, qui sont tombés dans le rap par hasard et qui tentent leur chance, qui sentent les rouages qui s'enclenchent, les anciens rois qui flanchent. Il est grand temps que les temps changent, c'est le moment. Sèche tes larmes et prépare ta lame. Viens avec nous, mets-toi dans le cou, viens rallumer la flamme. Pour nous, c'est plus que du rap, c'est toute notre vie. C'est plus que des fans, c'est toute notre vie. C'est pas une question d'âge, pas une question de couleur, pas une question de race, de poids ou de physique, mais c'est une question d'âme, c'est une question de douleur, c'est une question de rage, de foi et de musique. Peut-être bien qu'on se trompe, c'est nous les cons, mais viens on va se lancer. Et puis si on n'aura pas changé le monde, au moins nous on aura changé. Peut-être qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas encore prêt. On est devant la grande porte, attends toi c'est la bonne clé. Balance le beat que je rappe, que je claque, que je frappe, que je montre, on a la dalle. On en a marre de ces types qui ne disent rien devant le mic, qui nous prennent de haut, qui nous rabaissent, qui se moquent, qui nous mentent, qui changent de discours selon le produit qu'ils nous vendent. Ils font du rap comme ils pourraient faire du sport. Moi je fais jamais de sport, car je passe mon temps à faire du rap. Je vivre en crevé au lit de ma vie qui s'est très haut. Alors on a tapé les grattés pour des... Le vent tourne comme la roue, je ne tends plus la joue. Franchement, faut que je t'avoue, j'ai peur. Souvent les gens poussent à bout, je me sens plus jaloux. Y'a rien de plus tabou que le cœur. Traverse le miroir, je rêve de les rejoindre. Aide-nous à leur dire qu'on a faim, qu'on est plein qui peuvent nous craindre. On n'a pas une vie de voyous, pas une tête de dur. Donc on fera pas rêver les petits bourges en manque d'aventure. Décidément j'ai du mal à me faire à l'idée que la fin des boules faut que tu saches. J'entends des voix dans mon lit à la nuit qui me disent des guignons, faut pas que tu lâches. J'ai honoré le montant de ma voix et des milliers, des milliers, des millions de phrases. Et puis je les entends qui débitent et qu'on dit à longueur de temps, ils ont pas passé l'âge. Ils font semblant de pas nous entendre, semblant de pas nous voir. Mais les petits ont grandi dans le noir, on vient prendre le pouvoir. Depuis longtemps, on attend, chaque jour, on apprend. On veut rentrer dans la cour des grands, des grands, des grands, des grands, des grands, des grands. La cour des grands. La cour des grands, c'est ça? Et pour qui vous vous prenez? Vous n'avez encore rien fait, rien accompli. Et toi, Oli? Moi? Tu as quelque chose à leur dire? Ouais. Le soleil va se lever, ici tout est plus calme. Dans mon cocon familial, loin des paillettes de la capitale. La même chambre d'enfants, sans rideau ni coulisse. Les posters nous observent et reflètent nos fous rires. Venez, on rappe la vraie vie et tout ce qui nous ressemble. Je le crie fort pour ceux qui sont partis, qui puissent aussi m'entendre. Finis de faire les cons, prenez ce son comme un attentat. On me dit Arthur, un peu du bon, ça fait trop longtemps qu'on attend ça. Des heures pour une photo, des lettres qui n'ont pas lu. J'étais comme un visiteur d'un musée qui parlait au statut. Fan de rap, dans la classe, j'ai chialé trop de textes. Je venais débrancher mon micro si un jour je prends la grosse tête. Et j'y crois, comme un fou qui attend le retour de sa femme. J'ai pas le choix, on va le faire au moins pour les deux, trois femmes. La chance, on va la prendre. Tu vas entendre nos voix, ceux qui n'ont pas donné coup de pouce vont commencer toi. Demeure c'est nous, la barrière qui peut la décrocher. Tu vas t'en déprocher, on va tous les pocher. Avec ou sans trophée, la vie on va croquer. Ça fait trop longtemps qu'on veut le faire. T'as cet album, ça la trace de notre passage sur terre. Il serait capable de nous vendre du silence. Une sale vie face à un grand pianiste. Un zénith plein pour un rappeur qui ment. Les graines de sable se plantent, le succès n'est qu'illusoire. Car même en haut de l'affiche, il faut redescendre pour la voir. On a besoin de vous aider par des nouvelles airs. La plupart de nos parents, on les prend, on veut faire, on veut pas se planter. On va jamais les plan B, faut monter la pointe en plus, mais on va se planter. Depuis tout petit, la musique nous suit, on a faim, t'as bien. On va changer les règles, on le sent dans un quartier. Tant comme on rap, on veut lire notre rêve sur le bord de tes lèvres. À deux, on est plus fort, et avec vous, plus encore, on est paré. On va jeter un pavé dans nos qui dort. Depuis longtemps, on attend, chaque jour, on apprend. On veut rentrer dans la cour des grands, des grands, des grands, des grands, des grands, des grands, des grands, des grands. La cour des grands. Mais le chemin sera long et il reste encore beaucoup de marches à gravir. Bonne chance. Quant à nous, on se reverra, c'est sûr.